Eh ouais, c'est la famille de Bayardo, mon pote. Non, mais les démons, parce qu'il y en a, tu peux pas te juger. Bayardo. Ciao.